Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur une... Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est un pas échange, du un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle. Alors, les Cigales, ça veut dire club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. En plus, ça veut dire quelque chose. Donc, on est trois cigaliers ici. Donc, il y a Martine qui est là, et puis Jean-Michel qui est donc dans la salle des micros. Viens là. Donc, on est tous les trois membres de la Cigale de Langoumois. Donc, on a dit, on va faire un café citoyen sur Moutier, sur ce thème-là, en s'appuyant aussi, pour tout savoir, pour ceux qui veulent tout savoir, sur une certaine actualité à Moutier, où il y a eu un débat sur l'éolien il y a quelques mois, qui s'est plutôt mal passé, parce qu'il était très mal organisé. Et j'ai réussi à mettre pratiquement tout le monde d'accord en disant, mais on peut aussi financer un parc éolien de manière participative et citoyenne. On peut penser ce qu'on veut des éoliennes et de l'éolien et de l'argent qui va avec. Mais si on laisse passer l'argent, il ne faut pas pleurer qu'il n'est pas resté. Et si on s'organise pour le capter sur le territoire, on peut l'avoir sur le territoire. Et là, même les anti-opposants farouches, je vois pas, c'est des meilleurs, ont été scotchés, m'ont applaudi. Alors, j'en demandais pas tant, mais ils sont pas venus ce soir. Mais c'est pas forcément ceux-là que j'ai invités. Hein, mais il y a un certain nombre d'amis de boutique, mais là, c'est super, faut qu'on en sache plus. Bon. Voilà. Donc l'objectif, c'était un peu de sensibiliser, voir qu'est-ce que c'est qu'un club cigale, et plus largement la finance solidaire, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, c'était l'objectif de la soirée. On aura un film qui de 15-18 minutes qui présente qu'est-ce que c'est que des cigales, justement, à travers un exemple d'un club, tant les investisseurs que les bénéficiaires, les porteurs de projets. Vous êtes venus pourquoi? Qu'est-ce que les questions qui vous... Des expériences à partager Nous, du coup, c'est qu'on a adhéré à la Maison des Peuples et de la Pluie en tant que, particulier. Ça fait un moment qu'on a des convictions et qu'on ne les met pas en pratique, on va dire ça comme ça. Alors, beaucoup étaient chargés, on va dire, émotionnellement suite aux attentats à Charlie Hebdo. C'est quelque chose qui nous a, pour être assez faibles, traumatisés tous les deux. Et du coup, depuis, on a envie de se bouger et de bouger nous personnellement, quoi, et de commencer par nous, quoi. Donc après, il y a plein de choses qui nous intéressent et dont l'épargne solidaire, ça fait partie aussi de nous attirer. Oh bien, moi j'ai été attiré par le terme qui évoque la Provence, le terme cigale, voilà. En dehors de ceci, bon, c'est dans la mouvance, c'est ce que vous expliquez, c'est dans la mouvance des idées de Pierre Rabhi, de solidarité, d'épargne participative au développement économique, social, etc. Et donc là, c'est une action, ça peut déboucher sur une action concrète, locale, citoyenne, etc. Donc voilà, donc je suis très intéressé. Merci. Véronique. D'abord, j'avais eu l'expérience du collège. C'est un peu un principe similaire, mais qui est réservé à des initiatives pour des jeunes créateurs d'entreprises, on peut dire ça. Bon, c'est quelque chose qui est fini, qui était dans le sud de Charente. Et là, je viens pas seule, je viens avec mon mari, mais qui a du retard. On se sent prêt de toute façon. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'aspect local, c'est faire quelque chose ici. Et puis, plus ça va, moins j'ai envie de prêter mon argent au Crédit Agricole. Je préférerais mettre un petit peu ailleurs. Et c'est vrai que ça me booste un peu pour enfin me bouger pour ce domaine-là. Voilà. Mon épargne, mon argent, qu'est-ce que je peux faire aussi? Est-ce qu'il est rigolo? Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas du tout rigolo. Mais on peut partir d'un événement qui n'a rien à voir avec la finance solidaire. Mais comment finalement on est des êtres humains avec plein de cellules et on en touche une et ça fait réagir... Puisque une motivation, ça démarre un peu de Charlie Hebdo, quoi. Hein. Donc comment Charlie Hebdo, on arrive à se retrouver à Moutier et... Il y a deux choses. Il y a déjà le suivi du créateur. Pour suivre un créateur, il faut avoir quelques connaissances. Bon, maintenant, c'est pas toujours essentiel d'être expert en comptabilité, en gestion ou en organisation pour pouvoir suivre un créateur. Quelquefois, quelques mots et même un soutien moral peuvent suffire. Après, lorsqu'il y a des moyens techniques à apporter, bon, là, c'est certain qu'il vaut mieux connaître un petit peu certains domaines. Mais bon, c'est pas essentiel. Quant au choix des dossiers qu'on va créer, donc à partir du moment où vous faites partie d'une cigale, donc là, quand on se réunit, on va étudier des dossiers. Donc certains sont plus spécialisés que d'autres dans l'étude du prévisionnel, dans l'étude du business plan, dans la façon dont le créateur a présenté son dossier. Mais chacun, dans sa partie et dans ses connaissances, arrive à donner son avis sur un dossier. Bon, c'est quelquefois, ce sont quelquefois des avis qui sont subjectifs, qui n'ont pas de valeur fonctionnelle exacte, mais qui peuvent être suffisantes pour donner un avis quand même positif ou négatif. Sur un dossier. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin d'être bac plus 10 pour pouvoir faire partie des cigales. Mais moi je me souviens d'une anecdote quand on a aidé Thomas à monter son projet. Il avait un problème au niveau du fisc ou de la chambre de commerce. Il n'arrivait pas à avoir. Tu te rappelles? On a dit bon, ben on va aller avec lui. Mmh. Et déjà ça. On ne savait pas plus que... Mais le fait d'aller avec lui rencontrer... c'était à la chambre de commerce. C'était au niveau du centre des impôts. Il ne trouvait pas son positionnement ni commerçant. Donc, le fait d'aller avec lui, déjà, bon, c'est rassurant. Puis à plusieurs, on arrive à se dépatouiller, hein, plus que quand on est tout seul. Hein. On n'a pas forcément la compétence technique dans la cigale. Mais comme dit Jean-Michel, l'un va avoir un bout de compétence, l'autre un autre bout. Mais on a aussi du réseau et on va connaître le territoire. On va dire, tiens, on peut peut-être interroger un tel ou un tel ou un tel. Mais je prends une autre cigale là, dans le Boulogne qui s'appelle Investir Benaise. Elle a reçu un projet. Bon, puis ils m'en ont parlé de ce projet. Et je leur dis, alors... C'est pas pour vous influencer, mais il me semble qu'il y a à prendre en compte sur cette commune-là tel particularisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller ou qu'il faut absolument y aller, mais c'est un truc qui n'apparaît pas dans le dossier, qui me paraît important à mesurer pour dire tiens, on va mettre un appui. En fait, si je souligne un truc, c'est parce que c'était une difficulté à mon point de vue, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas y aller. Maintenant, on essaye aussi dans chaque cigale d'avoir des gens qui ont déjà étaient chefs d'entreprise ou qui ont déjà géré des entreprises ou qui ont déjà participé ou des cadres d'entreprise à certains niveaux. Tu as raison d'insister sur le truc, on rencontre d'abord les personnes. Donc c'est déjà un rapport humain. Nous ne sommes pas des banquiers. C'est ça la différence. Voilà. Le banquier, lui, il va étudier le dossier, et la personne, il va à peine la regarder, enfin, sauf si elle est mal habillée. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on regarde d'abord, enfin, on étudie, on parle avec les gens, on parle de leur projet, on parle de leur motivation, et on essaye de savoir ce qu'ils ont dans le ventre, avant tout. Après, on parle du reste. Mais c'est la création d'une entreprise, c'est avant tout, à mon avis, c'est une affaire de trip. Il y a une particularité dans les cigales, on ne peut intervenir que dans des sociétés. Donc un artisan qui s'installe sous son nom propre, on ne peut pas y aller. Hein, il faut qu'il y ait une URL, un projet de SARL. Ni un auto-entrepreneur. Hein ? Ni un auto-entrepreneur. Ni auto-entrepreneur. Il faut qu'il y ait une vraie personne morale constituée. C'est la seule restriction légale. On est plus sur de la création d'entreprise non. ou création ? Ça peut être de la reprise, ça peut être du développement, mais il faut qu'il y ait une société commerciale. Commerciale, alors, d'accord. Un GAEC, ça marche, un GFA pour acheter du foncier. Il faut qu'il y ait une personne morale enregistrée. D'accord. Ça marche pour SCOP. Ça peut être une coopérative, ça peut être une association. SA, une SARL. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être des personnes individuelles? Parce que c'est de l'investissement au capital et il faut qu'il y ait une société. Alors ça marche aussi sur les associations en apport en fonds propres. Mais on ne finance pas une personne. On finance bien une personne morale. parce qu'on est quand même soumis, alors quand même pour la petite histoire, on est soumis à une réglementation parce que la création des cigales, c'est grâce à M. Valéry Giscard d'Estaing qui, pour développer l'épargne populaire dans les entreprises, réconcilier les Français avec l'entreprise, a inventé un système pour faire des clubs d'investissement. C'est des clubs d'investissement, comme le signale Christophe Vigignol au début. Nous, on est des clubs d'investisseurs. Et donc, des gens un peu alternatifs, on dit super, Giscard a fait ce qu'il nous fallait, on va juste le transformer un petit peu pour mettre à notre sauce, mais qui tombe dans la même réglementation. Donc, un élément important, c'est que les cigales fonctionnent sur un système extrêmement démocratique. Ça ne fonctionne qu'en Assemblée Générale. C'est un statut d'indivision volontaire. Alors, l'indivision, on la connaît dans un cas facile en France, c'est au moment du décès des parents, les biens sont en indivision entre les frères et sœurs. Ça permet de se foutre sur la pendant ce temps-là, hein, jusqu'à ce que les partages soient actés par le notaire. Et là, c'est une indivision volontaire. Donc, on a le même cas de figure. Moi, je suis co-gérant de la cigale. Je n'ai aucun pouvoir de plus que Jean-Michel ou que Martine. Hein, on ne se réunit qu'en assemblée générale. Il n'y a pas un bureau avec un machin ou un truc. Mm-hmm. Toutes mes réunions, ben, les 12 cigaliers de notre cigale sont invités. Ils ne viennent pas forcément. Ça, c'est quand même une difficulté. On demande de la démocratie participative. On a du mal à la vivre. Hein. Mm-hmm. Faut insister quand même sur notre éthique aussi. Je te laisse faire. Oh ben non, tu envoies des grands rouges, Michel. Non, mais c'est vrai. Tout n'est pas... Voilà, non, quel type de projet on voit. Les projets ne sont pas suivis. On ne financera peut-être pas une boîte de nuit, par exemple. Mmh. Comment ? On ne financera peut-être pas une boîte de nuit, je veux dire. Ou on la financera parce que c'est un lieu de rencontre entre jeunes. Oui. Mais on va se donner des choix. Oui, voilà. Donc il faut que ce soit un projet qui ait une tendance verte, entre guillemets, ou écologique, ou qui va améliorer du social, enfin, qui va faire du social, qui va embaucher du monde. Faut que ça fasse du lien entre les gens. Du lien, faut aussi penser que faut penser l'utilité sociale sur le terrain. Oui. On a été sollicité par quelqu'un qui un maçon de Nouméa qui était handicapé, qui arrivait sur Angoulême et qui voulait nous proposer d'investir parce qu'il voulait monter un fonds de fonds dérivés à la bourse. Alors, le copain qui l'a rencontré pendant. Voilà, il avait un peu des gros yeux. Je comprends pas bien ce qu'il me raconte, c'est pas possible. Puis si, c'était bien ça, mais il dit, ça va vous faire des rendements extraordinaires. En ce moment, les fonds dérivés, ça marche. Le marché dérivé, ça marche super bien. Alors, Les dérivés de la maçonnerie. Non, mais il pouvait faire ça depuis son bureau, ça c'est vrai, mais c'était pas trop notre. Mais c'est pas vraiment mon éthique. Par exemple, on va pas intervenir sur une société qui doit faire fabriquer des armes, par exemple, des choses comme ça. A priori, non. Il y a des cigales qui vont être que sur l'entrepreneuriat féminin. Il y a des cigales qui vont être uniquement sur... voilà, on peut mettre des thématiques comme ça. Et du coup, ben, ça permet de trier les projets au départ. Et paradoxalement, ce n'est pas celles qui ont le plus de mal à trouver des projets. Comme s'il y avait une énergie du groupe après pour dire, ben, on va chercher ça, on ne perd pas partout. Et on ne trouve pas de projet. L'autre élément déterminant, c'est que plus il y a de cigales, plus on est sollicité. On le voit en Poitou-Charentes à La Rochelle, quand il n'y avait qu'une cigale, mais personne n'en parlait. Maintenant, on doit en avoir 8 ou 9. Du coup, la chambre de commerce, la CCI, etc., disent ben, il doit bien y avoir une cigale qui a de l'argent. Parce que, comme ça a été dit, c'est des petites sommes. Hein, l'épargne, minimum 7,50 € par mois, maximum 450 € par mois. Ça, c'est encore le cadre légal qui l'impose. Mais la moyenne, voilà, de 30 €, c'est une moyenne de participation. On agit en général entre 25 et 30 %. On doit être minoritaire. Il faut être minoritaire. On peut aller jusqu'à 49 %. En théorie, on peut aller jusqu'à 49 %. Et donc là, on parle sur ce qu'on va appeler des petits projets. Et il y a un exemple en Bretagne d'un très gros projet qui a été financé par des cigales. C'est la création d'un parc éolien. Donc plutôt que de hucher très fort pour dire qu'on ne veut pas de ça, il y a une trentaine de cigales qui ont été créées spécifiquement pour acheter un parc éolien. Donc du coup, ben, ils ont levé pratiquement l'argent qui était suffisante pour débloquer les prêts derrière. Il y a eu un peu d'apport privé aussi, des groupes privés qui ont apporté aussi un peu d'argent, mais derrière ça, donc maintenant, ben, ils remboursent, pour l'instant, ils remboursent leurs emprunts, et l'objectif à après, c'est de dégager suffisamment, enfin, c'est avec la plus-value qu'ils vont réaliser, parce que là, ils vont réaliser la plus-value, c'est d'investir pour l'amélioration de l'habitat, notamment sur les parties isolation, et travailler sur l'économie d'énergie en disant mais l'éolien ne remplacera jamais la surconsommation, mais comment on travaille bien vivre avec moins de consommation d'énergie. C'est un peu le défi qu'ils se sont donnés. Vous n'avez pas des échanges avec la Chambre de commerce, par exemple, quand eux sont... Ils peuvent pas... Non, mais... Ça pourrait être un moyen... Alors, parce que... Voilà, les créateurs d'entreprises, du coup... Ouais. Pour nous, notre cigale, ça fait 2 ans que j'essaye d'avoir des échanges avec la Chambre de commerce. D'accord. J'ai eu les premiers lundi dernier, à la journée de la création d'entreprise à la Chambre de commerce. Voilà, donc on a réussi à distribuer nos flyers, à me faire distribuer mes flyers par la Chambre de commerce. D'accord. Donc ça veut dire que je pense que l'année prochaine, on sera là-bas. Mmh. Parce qu'on aurait dû y être déjà cette année, mais on y sera là-bas. Et ça commence à venir. Ils sont un peu contraints et forcés, parce que déjà, ça vient aussi... Déjà, par la Charente-Maritime, ça arrive. Mm. Et comme en ce moment, il y a la Charente-Maritime, il y a Cognac, la Chambre de commerce d'Angoulême va reprendre la Chambre de commerce de Cognac, donc c'est pas très loin de la Charente-Maritime. Et tout ça, il y a des problèmes politiques. Oui. Qui font que bah, il faut qu'ils s'y intéressent malgré tout. Donc parce qu'ils n'ont pas. Les relations sont un petit peu difficiles. Ouais, un petit peu difficiles. Et pourtant j'ai fait partie de la Chambre de commerce pendant 20 ans. Donc, je veux dire, c'est d'abord culturel. C'est même pas politique, c'est culturel. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je me suis pris. On est plusieurs cigaliers à cette prime chou avec la chargée de développement. Enfin, une responsable de la CCI de Niort. Mais alors c'est injurieux, quoi. Morano à côté, c'est rien, quoi. Mais ses propos sur l'ESS, mais c'est l'économie sociale et solidaire, mais c'est du fantasme plus. Donc bon, ben, tant qu'elle n'est pas encore en retraite, il y a de la marge. Cette personne-là, c'est impensable. Ouais. Hein, alors, enfin, qu'elle tombe, il y a un lourd de l'économie solidaire pour qu'elle ait une conversion. Mais il n'y a pas que c'est toutes les chambres consulaires qui sont intéressées. La chambre des métiers, la chambre de l'agriculture, la chambre de commerce. Hein. Il n'y a pas que la chambre de commerce. Oui, non, mais c'était la première chose que je pensais. Mais toutes, de toute façon, c'est pas pour toutes les chambres consulaires, c'est pas du tout dans leur culture. Ouais. Leur culture, c'est de traiter les gens qui viennent les voir pour créer une entreprise, de traiter ces gens-là en interne. La MPE nous a envoyé quelques personnes une fois quand on avait fait une action. Après ça, aussi. Et oui, donc le 8 novembre, on a, en fin d'après-midi, on a sur Angoulême, donc une opération qui s'appelle Cigale Recherche Fourmis. D'accord. Sur les bons humours. Et donc, l'objectif, c'est de faire un espèce de speed dating, pas trop speed, avec des créateurs pour. À chaque fois, on a 5-6 porteurs de projets qui viennent, des projets qui tiennent la route, des projets qui ne sont pas du tout, qui s'en sont encore qu'à l'idée, des projets, même en étant à l'idée, on sait qu'ils sont déjà plantés, parce que tout le monde n'est pas fait pour être créateur d'entreprise, quoi, qu'en pense notre ancien président de la République. Et une cigale, ça peut se monter, enfin, il y a un nombre minimum de personnes adhérentes à la cigale ou... Ouais, je crois que le minimum légal, c'est 5, vaut mieux être 6-7 déjà au démarrage. Mmh. Et ce qui est rigolo, nous on l'avait testé, puis ça se vérifie dans d'autres endroits, on était 5 et on n'osait pas, on dit non, il faut qu'on soit un peu plus. Et puis au bout d'un an, on n'était toujours pas plus. Et on s'est créé, et pof, ben Jean-Michel est arrivé, il y a quelques personnes qui sont arrivées. Ouais. On ne sait pas pourquoi, il suffit d'être posé l'acte, alors qu'on n'est pas passé dans la une de la Charente Libre pour les France 3. Et là, Jean-Yves, c'est une cigale dont vous êtes 12 personnes. C'est une cigale angoulême. Ça s'appelle Cigale de Langoumois, si tu veux. Cigale de Langoumois. Nous, on est les plus sudistes. Jean-Michel est le plus nordiste sur Jolde. Et le plus à l'ouest, non, à l'est, pardon, il est à La Rochefoucauld. Et pas Marton, il doit être La Rochefoucauld. Mais on ne l'a pas eu plus longtemps, donc on ne sait plus. C'est la seule cigale dans le département ? Alors en Charente, il y a une cigale, donc il y a la cigale de Langoumois et la mestière benaise qui sont sur Angoulême. Il y a la germoire qui est plutôt sur Villefagnan, Champagne-Mouton. Il y a le Comte 5 sur Cognac. Aujourd'hui, donc, on est 4 cigales sur la Charente. Et une trentaine de cigales, 31 ou 32 cigales sur la région. On est la plus grosse région en rapport habitant. C'est-à-dire qu'il y a plus de cigales en Pays de la Loire, en Bretagne, et en Nord-Pas-de-Calais, et en Île-de-France maintenant. Et alors, et c'est vraiment facile de créer une cigale. Quoi. Même moi, je m'en faisais toute une montagne au départ, mais en fait, c'est assez simple. Il suffit de trouver quelques personnes, de se mettre autour de la table. Il y a des statuts types qui sont proposés avec les questions que le groupe se dit. Et puis, même quand on monte une cigale autour du projet d'un copain, ça n'enlève pas le béaba, ça peut être un bon copain, est-ce que c'est quelqu'un qui a un projet qui tient la route? Et est-ce que mon copain tient la route en tant que chef d'entreprise? Alors, l'exemple charentais, on peut perdre 11 000 euros, une cigale peut perdre 11 000 euros en 4 mois. On a eu un plantage, on a une entreprise qu'on a soutenue qui s'est cassée la figure, on en est déçu, parce qu'on aurait bien aimé que ça marche. Mais on n'avait pas de lien complètement lié avec la personne, puis on s'est dit, on a perdu quoi, 100-150 euros chacun. Des conneries, on achetait toujours, tous achetait des choses. C'était dans quelle activité? Là, l'entreprise donc qui a fait faillite, c'était quel type d'activité? De vente de produits agricoles, biologiques. Vous soutenez un ou plusieurs projets? On en a deux. Donc vous avez deux projets ou deux cigales? Deux pour la même cigale, on a deux projets. D'accord. Et on a plein d'argent. On a plein d'argent. Oui, ils cherchent des projets. Il y a deux projets, plus un projet qui va s'étendre. Notre cigale, elle va avoir 4 ans dans un mois à peu près. Donc on n'a plus qu'un an à vivre en tant que cigale. Et puis on a connu Thomas un mois après, par hasard. Quoi. Ouais. Donc, après le temps qu'on se cale, qu'on s'apprenne, qu'on s'apprivoise. Mais ça veut dire que depuis 4 ans, vous avez validé, entre guillemets, entre à vous tous, qu'un autre seul projet. On a validé trois projets. Trois projets en 4 ans. Il y en a un qui... D'ailleurs, ce n'est pas... Oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Moi, je m'attendais à... Enfin, je ne sais pas, peut-être bêtement, mais je m'attendais à plus d'activités, enfin... Plus de projets, quoi. Il faut dire qu'on a... On est quand même au niveau des fonds, on n'est pas non plus 500 000 euros. Oui, hein, oui, bien sûr, oui, mais. Il y en a un qui a foiré à cause. D'ailleurs, c'était pas un dossier qui était mal étudié. Enfin, c'était pas à cause du dossier, c'est à cause de. L'évolution de ton environnement. Voilà. Et surtout d'une mauvaise orientation aussi de la chambre de commerce. Et quand on avance dans la vie, on a aussi plus d'épargne. Enfin voilà, et c'est à ce moment-là qu'on a envie de l'utiliser intelligemment ou pas, mais voilà. Je m'attendais à avoir plus de jeunes, enfin. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, je m'attendais à avoir des gens... Dans les cigales, c'est un serpent un peu la question que vous posiez au départ, c'est l'expérience. Malheureusement, pour pouvoir juger, il faut être un peu plus vieux que les autres. Il y a une cigale d'étudiants à Poitiers. Il y a une cigale d'étudiants à Poitiers, et il y a une cigale de jeunes qui ont 30 ans, je ne sais pas si la moyenne d'âge est de 30 ans, de jeunes installés. La coprésidente de la Fédération nationale, elle a 35 ans. Sont deux coprésidents, c'est le président de Poitou-Charentes qui lui a 65 ans bien sonné, et une jeune de 35 ans. On peut peut-être passer de l'autre côté et puis boire un petit coup de jus. Un café citoyen, un café citoyen, c'est avant tout un jour convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence et c'est pas du tout un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée.